En Corée, la province de Hamgyong du Nord engage bien ses habitants à protéger le patrimoine national. Suivant la volonté du Parti Travail de Corée qui appelle à protéger le patrimoine national par le mouvement de tout le pays et de tout le peuple, les cadres, travailleurs, jeunes et enfants de la province ont réparé plus de 200 vestiges et ouvrages, planté des arbres et mis en ordre des terrains. En étroite collaboration avec des établissements de recherche scientifique, l'organe provincial de la protection du patrimoine national adopte massivement des réalisations technoscientifiques pour l'entretien des vestiges historiques.